Personne n'échappera à la mort. Passage obligé. On passera tous par là. Ninga pena bande ko bawa Ebele a pinzoli to tangisa na kolela bele silande ko kauka Ebele a pinzoli to tangisa pona kolela bele silande ko kauka Na boy nangai kosambisa yo liwa kozanga mawa Tolinga tolinga te yo liwa mwae ya kokima yo kozala kate Kaka, mosali na nzambe to monganga liwa ezali